Les nouvelles du dimanche sont meilleures que la semaine. Les stars au crachoir nous en arrent bien bonnes d'un air compréhensif. Il fait beau dans la Manche. Vive les classes moyennes. Affûtons nos mouchoirs, adulons la Madone, prenons-la péritif. Prenons-la. Aux nouvelles du dimanche, toujours les mêmes sirènes, des experts qui s'expriment sur la marque des fleurs et les grands bêtisiers. Les bons cœurs font la Manche, il fait plat dans la plaine, et touchant au sublime, des tontons bricoleurs s'assoupissent rassasiés. Les sourires sont de mise et les souris soumises, tranches de géants gigots à des gens de vagues idéaux. Les nouvelles du dimanche sont pas pires que pas de veine de gentils assassins. Belle d'une voix joyeuse, du vide à satiété. Sa pépite sur les branches, toujours les mêmes qui s'aiment. Vive les classes soyeuses, les grands enfants nains, passons aux variétés. Si ma petite Rita d'amour me dit que nous sommes hors micro, nous sommes hors micro. Alors, ma petite amour, ma petite cajolero. Ouais. Voilà, on n'est pas en onde, alors on peut prendre des appels. Oui, madame. Allô, madame Malo. Allô, madame Malo. Comment ça va, madame Malo? Allô, ça va bien, vous? Allô. Elle est partie là-dessus. Commence bien, là. Comment c'est. Hein? Oh non! Ben voyons, non, mon petit creton! Il est en onde! Pourquoi tu m'as dit qu'on était pas en onde? Non! Hein? Non, je me pratique parce qu'on m'a appelé. Ouais, comme là, madame Allô. Allô? Bonjour, madame. On m'a appelé pour remplacer, en version française, là, le prix et le gagnant. Là, ils m'ont fait jouer. La présentation, ouais, là, ça m'a comme excité le tympan, moi, là, je me suis dit, hey, je suis prêt, moi. Ah oui, là, l'animateur va dire, oui, ce soir, notre animateur, j'ai peur, moi, là. Hey, c'est assez bizarre. Ah, ben, l'émission le sera aussi. On va rouler. Oui, on va rouler une roue. J'ai eu peur. Oui, attention, il n'est pas terminé. une roue non gagnante. OK. On va juste avoir des échecs, des perdants, des pleurs, des cris. L'émission après, c'est des psychologues qui vont répondre aux questions à 150 piastres la minute. Hein? Les gens vont appeler, là, on va dire... Un peu, voilà, là. Attendez, voilà. Calmez-vous. Monsieur le psychologue? Oui? Bon, j'étais à l'émission de Réal. Oui? Ça n'a pas très bien fonctionné, hein? J'ai tout perdu. Mon épouse, ça, c'est... Non, c'est bravo. Ça, c'est le plus beau gain que j'ai eu de ma vie, c'est de me débarrasser de mon épouse. Avoir su, je l'aurais fait avant. Oui? Oui, monsieur. Hey, j'étais tellement heureux, là. C'était un poids de moins sur mes épaules. Parce qu'elle est partie avec les enfants, là, hey, le chien, les enfants, le poisson rouge, je dis, moi, je le garde, moi. Quelque chose de silencieux qui fait... Il va me rappeler, lorsque je l'ai rencontré, elle était de même. Elle me regardait dans un bar, là, elle était loin. En fait, j'ai su après, c'est parce qu'elle s'était mis du... Voyons, non, ça va bien, là, elle roulait la roue avant le temps. Elle roulait des yeux, frrr, j'ai dit, mon dieu, elle manque de sucre, elle est diabétique. Elle est possédée du melon. Ah, elle doit être possédée du melon. Elle avait mal au dos. Ah, c'est tabarouette. Trois opérations, c'est moi qui payais. 25 livres chaque. Ah, elle ne courait plus à la fin, là, parce que ça descendait. Elle se mettait les pieds là-dessus, elle tombait. Ah, des roulis roulants. Elle m'a dépouillé de tout mon argent. Ah, oh, je voulais investir, voilà, là, dans l'immobilier. Oh, ouais. En fait, c'est parce que je vous envoie un scoop, j'ai plus de maudite scène. Il n'y a rien à perdre, voilà, là. S'il y a des gens qui veulent acheter mes idées, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'ils développent en haut, hein. Développe, ça développe! Il n'y a plus de place en bas, on monte en haut. Ah ouais! Pas d'escalier, rien. Ah ouais, la fusée. Là, les gens se demandent, oui, mais si mon appartement est entre Saturne et Capricorne, non, pas l'astrologie, là, c'est le ciel. La grande ours polaire, là, ça m'a l'air que ça se passe là. Prépare des condominiums, des condominiums chauffés, éclairés, puis les grosses montgolfières qui vont tenir ça dans le ciel. Tu peux même te diriger partout dans la stratosphère, pas dans la biosphère. Non, parce que là, la biosphère est polluée. On a toutes mis nos vidanges là-dessus. Puis si ça rencontre ton condo, tu seras pas content. Toi, là, hey, t'es marron, là, mais pas à ce point-là, hein, pour acheter ça, là, bah. Mais si toi, tu jettes, parce que là, tu vas pouvoir tout envoyer de ce qui est pas bon, là, hein, je dirais pas quoi, parce qu'on va m'appeler. En tout cas, tout ce qui est que t'as plus besoin, tu vas tirer ça par la fenêtre, ça va s'en aller en bas avec tout le reste des vidanges. Pas sur terre, là, mais à l'endroit où on a mis des corps à vidange, des corps de déchets, des corps de... Hein? Mouin. OK. Ah, mais là, c'est l'oreillette. Personne n'entend dans l'oreillette, toi, là. OK, oui. OK, arrête de me faire rire. Ils vont se dire, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Rien. Absolument rien. Je suis né de même, moi, il n'y avait rien là-dedans. Ah, ça résonne, mais c'est tout à fait... C'est ça, je suis pas un être raisonné, moi. Ça résonne, mais je suis irraisonné. Alors, si vous voulez acheter des condominiums dans la stratosphère, pas cher. Moi, là, j'ai des prix. Là. Je livre des billets. Ailleurs, dans la francophonie, on dirait « Tu livres des tickets, mec! » J'ai dit « Non, je livre des billets, merde! » Ah, c'est une blague québécoise. En fait, québécoise, c'est une blague qui est comprise entre la rue Sainte-Famille et Sainte-Monique dans le Vieux-Québec. En dehors de ça, là, les gens, ah, ils sont pas branchés là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est une blague. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est une blague entre Sainte-Famille et Sainte-Monique. Là. D'où tu viens? Je viens de là-bas. Oh, ben là, tu vas peut-être la saisir. Là, hein? On va te traduire. Alors là... Rénal Québec à commercial hotmail.com. Je dis plus lentement, Rénal de Québec à commercial hotmail.com. Envoyez-moi vos devis financiers, là, votre compte de banque, pas besoin de savoir ça, moi. Là. Ah non, calmez-vous. Je suis pas un Charles Amal. Quoique je suis un amant merveilleux. Là. Elle n'est pas là pour parler, mais c'est ça. Elles sont pas là pour parler. Ah, ma carte n'est pas là non plus. Ah, oh, bon, ça, je n'apprends pas. Ah, rapper. Poisson rouge, je rappe pas, lui. Fait, comme mon épouse. C'est ça, elle. Au début, je l'ai rencontrée. Oui, merci de me le rappeler. Elle était dans le fond du bois. Les yeux, ils pivotaient vers le derrière. Je lui dis, mon dos est diabétique, troisième dan. Et puis, hein, entends-tu ça? C'est comme ma vis qui... Ouais, c'est dans ma tête. Ça monte, ça descend. C'est très bien. À un moment donné, ça va purjuter. Là. Ouais, alors, les yeux de la madame. Madame mon épouse. Ancienne épouse. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Là. Ah, mon Dieu, j'ai raturé. Ah, crayon feu 3 pouces. Je n'appartiens plus à cette chose. Et à cette chose, je veux dire, cette chose qui est le mariage. Pas mon... Non. Un humain, c'est un humain, là. Je l'aime encore, de loin. Je préfère mon poisson rouge. Bon. Alors, pardon, excusez-moi si je fais... Hein, ça manque de... Dans ma vraie vie, je suis pas comme ça. Je serais respectueux. Mais c'est toujours moi qui paye l'addition. Ouais, je dis, attendez un petit peu, mademoiselle, je vais aller me déshydrater la vessie. Et je vous reviens. Et là, c'est ce que je fais, moi, là? Je m'en vais par la porte La porte veut claquer comme ésotérique, là, tu sais, pas fantôme, là, appartenu par, comment t'appelles ça, Linda Blair? Linda Blair, hey, homme de peu de cerveau, Linda Blair. Connais pas Linda Blair? C'est une amante? Non, c'est une comédienne. Exorciste! Quand elle a vu ça, elle a filmé, ben, c'est pas elle qui a filmé, là. Elle était déjà, elle faisait 360 degrés. C'est comme ça que les ventilateurs sont venus au monde, hein. Ils ont copié la tête pivotante de Linda Blair. Dans le film Exorcist. Ah, ça fait Exorcist, Exorcette, Exorhuit. Ça a fait des grands succès, ça. Et puis donc, qu'est-ce qu'il voulait dire, là? Il voulait rien dire. Oui. Calme-toi. Et puis donc, ça tournait sa tête-là, là, c'était merveilleux. Ah, et puis quand elle a vu ce film-là, une fois tourné, là, on appelle ça quoi? En promotion générale? Non, en projection particulière, privée. Non, c'était pas du 3X, privé 3X. Ouais, tout le monde était habillé. Ouais, tout le monde en tenue de gala, mais elle avait 14 ans, gala. Puis là, elle dit, hey, gala, elle est en jeans. Dans une belle soirée où tous les gens sont pouponnés, puis remontés, refaits de toutes pièces par le miracle de la technologie. Elle est toute pimpante, là, mais en jeans. Hein? J'ai une petite friponne, 14 ans. Hein? Elle a pris son siège à deux mains. Elle s'est écrasée le postérieur. Là, elle a vu le film. Elle n'a pas dormi pendant 3 ans. Ils l'ont sorti en civière. Elle a rencontré 3-4 intervenants intellectuellement atteints, parce que pour être là-dedans, il faut être atteint. Être atteint, c'est comme la tarte tatin. La pomme. Croûte, tatin. Bon, tatin. Quoi? Je suis un tatin? Je sais. J'ai toujours su que j'étais un tatin. Mes parents me l'ont dit. On a fait un tatin. Tatin, moi le tatin. Qu'est-ce qu'il va faire, ce tatin-là, dans lui? Ben, des émissions de radio. Un tatin qui fait de la radio, c'est bien ça. Là, on le connaît plus. Depuis 25 ans, je suis errant rénaldien. Ils ne me connaissent plus. Je marche dans la rue. C'est pas mon fils, je le connais pas. Il est plus là. Il est mort. Un mâle, c'est un gorille. Il sort là, comme Hulk. L'incroyable. Ça, c'est moi. Le vendredi à 23h30, lorsque je vérifie si ma toilette est tout à fait déshydratée, hein, parce que est-ce que c'est bouché? Parce que pendant toute la semaine, hein, j'ai des invités. Puis je me rends compte que le samedi, ça coule un peu moins bien. Fait que là, je me mets à quatre pattes, hein, la tête dans le minet. Et là, je vérifie pour vérifier, hein, si l'eau va bien couler, s'il n'y a pas de bouchon. Fait que là, je... Puis ça va très bien. Oui. Et puis là, ouais, quand tu te fais... Pivot, Bertrand Pivot, Bernard, apostrophe. Bouillon culture, bah, ça va bien. Errance rénaldienne, c'est l'émission. Ça va bien, ça va très bien, vous, les enfants. Ah, mon Dieu, ma petite dernière. Linda Blair. Ah, oh, lâche-moi là, toi. Lâche-moi là, tiens là. Monsieur le Président. Comment ça, je m'entends d'une oreille? C'est quoi cette incapacité intellectuelle? Oh, ça va mieux. Monsieur le Président, Monsieur le Patron catholique, Mesdames les voluptés, et chez vous, ça va bien? Chez vous, c'est chez moi, c'est pas chez vous. Et vous, chers résidents et résidentes de la musique, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénalienne. J'ai écrit une énorme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu ma soirée d'hier? Une énorme. Ah oui, c'était une énorme langoustine. Moi, j'aime ça, les langoustines. Là, moi, je sais pas comment faire cuire ça. Ben voyons, vivant dans la poêle, ça va s'arrêter tout seul, ça là. Es-tu malade? Oui. Ah oui, j'ai un début de brûlement de mâchoire. Ah, je me prépare à demain. Demain, aujourd'hui, parce que hier, on était... Hier, aujourd'hui, on est aujourd'hui. Comprends-tu ça, toi? Ah, mon doux, allô! Oui! Deuxième épitaphe, troisième doigt. Madame, ça va bien? Seriez-vous en onze par hasard? Oui, monsieur. Hello! Hello! Le temps est beau, le ciel est bleu. C'est normal que l'écho soit tout à travers. Ben, c'est ta tête. Oh, mon Dieu. Monsieur le Président, je pense que la console me quitte. Ça va bien. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée sur une chanson de Julien Clerc. C'est... T'es sûr? On dirait que c'est une chanson arabe pour faire sortir le serpent. C'est 30 ans. Oh non, c'est Double vie. Double enfance. Double enfance! Chanson écrite par Monsieur le Fox Perpier. Il a perdu pied là-dessus. Ah, c'est... Depuis ce temps-là, il dit... C'est quoi la chanson de... San Francisco se perd. C'est San Francisco se perd. C'est singulier, c'est pas pluriel. Il n'y a pas de deux San Francisco. Ben oui, il y a San Francisco Vieux-Québec, il y a San Francisco, San Francisco. Oh, que de coco. Bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien du surréalisme. Fring! Ah, il est dedans, toi. C'est quoi ça? C'est ma baguette Marie. Oh! Hey, moi, je me suis retrouvé en prison avec ma baguette Marie. Pourquoi? Marie disait Marie. Il marine le monde. Très heureux. Il marine le monde. Là, ils m'ont dit, hey, ça là, ça a déjà été fait. C'est John Bedden qui l'a fait en 80. Il a eu un grand succès, tu veux cracher sur son argent, tu veux aspirer tout ça. Tu te prends quoi pour un aspirateur? Une balayeuse. C'est une marque balayeuse? Non, c'est pas une marque. C'est comme un grille-pain. C'est pas une marque, ça? Les frappés, c'est pas une marque, ça? Rénal Gagné, c'est pas une marque? Ah non, c'est pas solvable. Bienvenue à la douce réalité, l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres. Je dis que votre itinéraire engagé, Rénal de Gagné. Là, les gens qui me regardent dans la caméra, là, mais dans la polonaise, je veux dire, parlent le truchement de nos vidéos. Ils se disent pourquoi il se ferme les yeux puis il fait des grimaces. C'est parce que je me retiens de un. Perdre connaissance de deux. De sombrer dans une folie imaginaire qui pourrait perdre mon public, quoique là, il m'en reste juste deux. Il y a la belle Isabelle et il y a la belle Cléo qui m'écoute. Oh, Dorothée aussi. Dorothée vient nous prendre. Oh, elle nous prend en passant. Et puis nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins. Oui, j'ai mangé. J'ai mangé le bois avec mon ami. Il est venu avec mon ami. Quand mon lait, c'est mon lait, bon, c'est mon lait, bon. ولا بدنا للملك وازنا لنوارنا شندنا وولا شتى سنسد ولنا ولا تشو تشو تشو le père du nord a perdu le nord à soi tu vas voir et puis tant on se couchera tard on dormira comme des enfants devant l'entendant l'entendant à regarder le bonhomme de neige hein? Mais la neige, il n'y en a pas de neige. Il y en a dans ma taille et il n'y en a pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps. Le temps, c'est quand? Le temps, chacun son temps, prends ton temps, tu verras, mon bel an, que quand le temps sera là, tu le verras pas, comme d'habitude. L'aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 27 septembre 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Emma la clown, de son véritable nom, Myriam Menant. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste sublime. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter et essayer d'entendre la musique? T'entends-tu? Je dis attention! En avant! Shows me, and it shows me, and it shows me, me. chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, Almeria. Si tu étais une langue. Une langue? C'est vrai que c'est des drôles de questions. Oui, c'est voulu. Ce ne sera pas une langue de bœuf parce que je ne mange pas de viande. Ça peut être aussi une langue parlée. Là. Oui, c'est ça. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Quelle langue? J'aime bien le norvégien. Oh! Yeah. Est-ce que tu le parles? Yeah, lite, men, jeg kan franske. Ok, alors. Jeg kan norske. Tu pourrais faire un spectacle un peu c'est... J'en ai fait en Norvège déjà avec une amie norvégienne. Ok. Et je parlais du pseudo-norvégien, un petit peu vrai, mais pas tout à fait. Mais crois-tu que tu pourrais arriver à faire un spectacle avec une langue inventée qui n'existe pas? Ou un numéro, peut-être de 5 minutes, avec tu peux t'élancer. Je suis pas très très bonne là-dedans, dans le gros, okay. Gros mot. Je suis pas super bonne. Ah non. Je suis plus bonne dans le sens. Ah okay. Oui, le non-sens, toi, te déstabilise. C'est ça, tu te sens mal à l'aise dans le non-sens. Je sais pas très bien faire, je crois. Si tu étais une époque. Une époque. Oh, je dirais. Il y a très très très longtemps. Ok. Peut-être juste entre les cavernes et puis le Moyen-Âge. Oh, ok. Quoi. Vraiment longtemps. Ah hein. Oh, oui. Right. Ouais. Ok. Ouais, le truc pourquoi? Où on peut encore respirer. Bah, parce que je pense qu'il y avait d'autres valeurs et surtout d'autres sens. Ok. Sens, d'une part, les sens qu'on donne aux choses et au monde, mais aussi les sens en nous. Mm-hmm. Je pense qu'on avait des sens un peu plus développés que ce que. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a on pas est beaucoup. Rendu trop. On a étouffé notre côté animal, ça. Oui. Mm. Si tu étais un mot. Un mot? Mm. En fait, quand tu dis si tu étais, ça veut dire si jamais je voudrais être réincarné dans autre chose. Bah, si à l'instant tu pouvais. Air, le mot air. Air, tu voudrais être de l'air. Je voudrais être le mot air, c'est-à-dire air. C'est pas être de l'air, mais c'est être utilisé comme on utilise le mot air. Air. Okay. Il y a beaucoup de choses. Ok, alors tu veux être. Le mot, c'est air. Tu veux être l'air. Par exemple. OK. On n'en soufflera pas à la bougie parce que, ouf, l'air. Ouais, puis ça n'y est pas de moi, c'est une bâchonne. Si tu étais un aliment, oh ben là, toi qui es une... Oh, chez nous, on appelle ça... Ben, regarde. Chez nous, on appelle ça une granola. Une granola, oui. Est-ce que tu connais ça, les granolas? Ben, j'ai entendu ça déjà. Je ne suis pas sûre que ce soit très flatteur, mais c'est pas... Ah oui, c'est flatteur, granola. Oui, c'est des gens qui, oui... Tu manges pas de viande, toi? Non. T'es granola. T'es bio? Oui. T'es granola. Je fume pas. Non, mais c'est une ligne de pensée, une granola. Fume pas, bois pas beaucoup, fais attention à ce qu'elle mange. Non, mais c'est rien de péjoratif. Mais je me sens pas du tout non, une insulte à l'humanité. C'est ça, non, mais c'est ton équilibre. Absolument, tu sais, il y a quelqu'un, un grand acteur qui disait le secret de ce métier, c'est quand même d'être en bonne santé. Et ça, je confirme c'est absolument. Tu as arrêté de manger de la viande? Ça fait pas très longtemps, ça fait un peu plus d'un an. Pourquoi? Parce que... C'est en voyant des documentaires? Non, c'est un choix déjà très intime. Et puis un autre choix aussi, parce que je trouve que c'est dégueulasse qu'on fait aux animaux. Vraiment, c'est pas normal. Et puis je pense que manger de l'animal, c'est pas bon, parce qu'il a tellement souffert, il a tellement été stressé, il est tellement plein de saloperies, que je pense pas que ce soit très bon pour la santé d'en manger. Ou bien, en tout cas, si on en mange, il faut que ce soit fêté, comme une chose exceptionnelle. Ah ouais. Et pas comme une chose qu'on met... Un peu comme en Afrique. Peut-être, je sais pas comment ils font. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui, toujours. J'ai toujours pas dit ça. Non, on revient. Parce que j'ai dit t'étais, bon. Granola. Un fruit, une banane. Une banane. Une banane. C'est très pratique, la banane. Africaine ou. Parce que la banane africaine a des grains. Donc, tu dois la faire bouiller. Ah non, celle qu'on peut manger facilement. Qu'on emmène en pique-nique facilement. Il faut faire ça. C'est simple. Si tu étais une saison. Une saison, j'aime bien le printemps, mais j'aime bien toutes les saisons. Ça dépend où on se trouve, évidemment. Bien sûr. Le printemps. J'aime bien le printemps. Parce que ça régénère. C'est... Oui, puis il y a des odeurs, de nouvelles odeurs qui arrivent. Mais en même temps, avec l'automne, il y a des odeurs aussi. Hein. L'humus. Oui, mais tout meurt. Hein. En plus, ça s'aligne de ton spectacle. L'automne, on meurt. La saison, on meurt. On va dormir. Ouais. On va renaître. On se prépare à renaître. L'hiver, ça, c'est vraiment... Chez nous, en tout cas, c'est... Donc, si tu étais un membre corporel... Un quoi, un membre corporel? Un membre corporel. L'oreille. OK. C'est pas vraiment un membre aussi? Oui, pour entendre, pour capter. Oui. Parce que moi, j'avais des oreilles décollées quand j'étais petite aussi. Donc, j'ai un grand respect pour l'oreille. Oui, mais Gainsbourg a fait sa carrière là-dessus. Les oreilles décollées. Mais oui, j'aurais dû les décoller, j'aurais pas ben dû. Oui. Pour une femme, c'est autour. Si tu étais un moment de la journée. L'aube. OK. Parce que tu es levée à l'aube? Je me suis née à l'aube. Ah, je pense. Et non, je ne suis pas levée à l'aube en ce moment parce que je suis trop fatiguée, mais j'adore ça. J'adore le soleil qui se lève. J'adore tous les moments de la journée. Chacun est. Mais l'aube, le soleil qui se couche. La nuit, il se passe moins de trucs. Mais quoi que les étoiles, elles bougent. Enfin, non, elles ne bougent pas. La Terre bouge. Mais... Quoi qu'il y a des gens qui aiment bien créer la nuit parce que c'est plus tranquille, c'est plus reposant. Ouais, c'est... moi, je dors la nuit. Moi, je dors. Ah, ben oui, t'es comme la majorité. Si tu étais. Un autre individu qui vit ou qui vit plus, peu importe. Un autre. Emma, je sais pas. Peut-être Catherine Dolto. Ok. Ah oui. Oh, c'est bien ça. Oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Sans aucun. Oui. Je pense que je suis là où je suis aujourd'hui. Comment dire, je pense que c'est ce que je rêvais d'être finalement. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est à peu près ce que je voulais. Est-ce que tu crois qu'à chaque fois que tu montes sur scène, tu revis ton enfance? Non. Non, tu revis ton, tu sais, les 12 ans ou non, parce que c'est plus une révélation. Ok. Mais c'est quand même. Mais est-ce que tu ressens encore la même satisfaction, le même plaisir qu'à 12 ans? J'ai toujours énormément de plaisir, bien sûr, quand les gens rient, mais c'est un petit peu différent. C'est différent maintenant parce que j'ai plus la sensation de cette découverte, ce flash, ce choc. Là, c'est rendu vraiment un art et tu l'es. Oui, absolument. Ouais. Et le travail du clown, est-ce que tu crois que, je sais pas ici, est-ce que c'est péjoratif? Au Québec, non, là, mais... Tu sais, on dit, arrête de faire le clown, arrête de faire la Maria. Crois-tu que le clown est vu un peu comme le parent pauvre de l'art artistique? Oui, je trouve un peu, je pense, oui. Enfin, je pense qu'il est plus pauvre que lui. Pourtant, les clowns sont exceptionnels, hein? Drip, drip. Drippity drop, drip, drip, drippity drop. Oh well, the roof is a leaking and the rain's falling on my head. Drip, drip, drippity drop. Well, the roof is a leaking and the rain's falling on my head. Drip, drip, drippity drop. I cried so hard, teardrops on my bed. Drip, drip, drippity drop. Oh well, she packed up her bags and she moved. She packed up her bags and she moved. a tip, tip, tip. He said, your woman's gonna lift you. I said, I'm a hip, hip, hip. Why don't you mind your own affairs and button your lip, lip, lip? I don't need you to tell me. She gave me the slip, slip, slip. Because my roof is leaking and the rain's falling on my head. Well, I cried so hard, teardrops on my bed. Drip, drip, drippity drop. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Dandène, la ridène, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, j'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle était à marier. Dandène, la ridène, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Non, non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Non, non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Sa gamelle aussi par terre, moi, tout ça, mon métier. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Sa gamelle aussi par terre, moi, tout ça, mon métier. Sa gamelle aussi par terre, moi, tout ça, mon métier. Pour ce métier-là, je me serais marié. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Pour ce métier-là, je me serais marié. Pour ce métier-là, je me serais marié. Avec les plus belles filles qu'il y avait pas dans le quartier. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Avec la plus belle fille qui avait pas dans le quartier. Avec la plus belle fille qui avait pas dans le quartier. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. D'autres choses aussi que je ne peux vous nommer. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Dandène, la ridène, ma tapa d'alimato, ma tatalou, ma limato, ma tapa d'alimato, ma tatalou, la ridée. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacé. Tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien, première qui aurait le pied marin, si l'on sifflait les vents de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin, et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien. Pourquoi tu me visais? Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Merci Bachon. Attention! Madame, que c'est vous, vos passages en juillet. Madame, attention! Wow! Tranquille. Je fais ça au chien qui aboie. Je suis pas un chien qui aboie, moi, là. Non, mais au cas, moi, je me prépare à toute éventualité. À quoi éventualité? Comment ça va bien? Ça va très. À toute éventualité. Ça va faire des courts-circuits dans le micro. Quand les enfants crient, là, quand une voiture passe, quand les gens disent bonjour, ça va bien. Je suis réincarné en serpent. Attention. Arrête de l'arriver, celle-là. On reçoit des postillons dans les écouteurs. Imagine-toi des haut-parleurs. À trop parler, on déparle. Oh, c'est de qui? Papa de Père Noël, the real. C'est de Reynolds, running, attention. Attention! Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je me prépare à ma vieillesse. Là, j'aimerais bien chanter cette belle chanson de vieillesse, mais les gens vont se dire qu'ils chantent la même chanson depuis le début de son émission. Souvenirs. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Lorsque je vais manger dans un restaurant où c'est syndiqué, je me dis non. Mais lorsque c'est à volonté, je dis oui. Parce que le non et le oui s'affrontent. Qui gagnera? Oui, vous voyez, madame. Oh, un geste politique. Oui, monsieur, c'est un geste politique. T'es politisé? Je suis pas là, moi. Je suis pas là pour comprendre la planète, mais je suis là pour voter. Mais voyons, t'as pas la capacité. Oh, on demande pas d'avoir la cap. On demande pas, hein? On demande pas, puis on l'a. Moi, on m'a jamais dit, régional, tu seras un homme, mon pile. Pile ou face, moi, je suis le câline. Puis, ça va très bien. Avant, j'étais régulier. Là, ils m'ont dit, c'est pour ça que ça va pas, ton humeur, là. C'est pour ça que ça va pas, ton sourire, là. C'est pour ça que... Excusez-moi. C'est pour ça, voyons d'or, toi, deuxième prise. C'est pour cela. que de régulier, mon médecin m'a transféré à l'alcaline. Ça va bien, ça va très bien. À l'alcaline. Oh! Alcaline. Oh, oh, veux-tu que je te dépose? Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref. Cessons, parce que je vais lécher la babine pour tourner la page. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Oh, je l'avais déjà fait hier, la semaine dernière. C'est pas grave. D'un côté de la cour, il y avait les portes A1, A2, A3. J'étais perdu, moi, là. Là, j'ai dû avoir commencé. A1. A2. A3. Ça va bien, ça va très bien, monsieur le Rambly. Et vous, cher... Oui. Oui, bon. Êtes-vous en forme, moi? Oui. Bon. Vous êtes bûcheron, hein? Oui. Vous bûchez la réalité? Oui. Votre femme vous a bûché dessus? Oui. Oh. Êtes-vous gros biscotto, petit cerveau? Oui. Pas comme tous les bûcherons, parce que moi, j'en connais trois, moi. Mon beau-frère, mon frère, puis mon arrière-grand-frère. Mon arrière-grand-frère se prenait pour le beau-frère de la sœur, parce que sa sœur était déjà d'un religieuse, mais elle voulait plus rentrer là-dedans parce qu'elle avait fait un abat. Parce qu'elle connaissait tout le niveau spirituel, puis spiritueux. Elle disait, moi le vin de messe, là, c'est déjà passé dans ma vie, puis j'ai grandi. Et c'est bien beau, les petits minous, mais je préfère les gros chatons. Donc, les bûcherons. Ah, les bûcherons. Oui. Vous êtes des gros chatons, hein? Oui. Oh, ronronnez-vous? Oui. D'un côté de la cour, il y avait les portes A1, A2, A3. ETC, etc. OK. Mais fâchez-vous pas, vous, là? Mais je comprends pas, on va te le faire comprendre. Nous autres, les gens des gros bras, on va te faire saisir le sens de la vie. Si toi, tu comprends pas ce qui se passe sur la planète, on va te le faire rentrer dans les petites percelles de ta tête. Et monsieur, ça va bien? Ça va très bien. Tu vas payer ton ignorance. Tu vas te reputer. Tu n'auras même plus de possibilité de coordonner quoi que ce soit, dans le oui, dans le non. Tu mérites pas d'aller là-dessus, là-dedans, dans l'autre corps. On se comprend. Non, je comprends absolument rien. Là, je te dis que nous, on est en dehors de tout ça. On est dans la... Hein? Sentez-vous? Mais moi, je sens absolument rien, quoi que vous. Ouais. C'est un endoctriné. Attention, on va savoir. On va savoir ça. Croyez-vous à la vie éternelle? À la résurrection de Rénal, oui. Au tombeau universel, oui. Au sacrement du pardon. Oui. Excusez-moi. Hein? Hein? Du pardon, excusez-moi. Donne-moi une bonne cigarette. Donne-moi une bonne cigarette. On n'a pas de fumée ici. Ah ouais, 2-3 cigarettes. Ah ouais, là. Moi, je respire ma fumée secondaire. Hein? J'ai rien contre l'anéantissement du peuple. Et le mien encore plus dans cette voie-là. C'est quoi, c'est des extra king size? Ah, oh, bon, d'ailleurs. Donne-moi des veloutés, c'est parce que... Non, velouté, c'est il demande plus d'ingrédients surnaturels pour crever avant tout le monde. Moi, un bon cancer du poumon, s'il vous plaît. Le gauche, après ça, le droit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, le gauche a toujours servi à tenir mon enfant sur mon épaule puis à dire « Va-t'en, endors-toi, endors-toi. » Puis là, si j'en ai plus, il pourra plus s'endormir. Quoique ma grande fille est rendue à 43 ans, puis elle me demande toujours « Papa, papa, papa! » Je dis « Ouais, ouais, ouais, t'es-tu là? Je suis là, OK! » D'un côté de la cour, il y avait les portes A1, A2, A3, etc. Et c'était le quartier des hommes. Hey, le quartier des hommes, c'est les quartiers des... Oui! On s'en va deux par deux en frappant de l'eau. On s'en va tout le monde, on nous laisse pas chanson. On entre 4 par 4 en frappant du talon. En frappant du talon, des testicules, la testicule, la rose au bois. On rentre du ballon, on rentre du vaisseau. Quand le garçon est fille, tous les petites y vont. Toutes les petites y vont, les petites y vont. Ils vont dans le champ des destinées, la rose au bois. Les gens vont compris, hein? Ils vont... Des chats, ils vont des chats. Pas de compréhension télé. T'es humoriste québécois. Les unions que ça donne, ils vont se planter dans le décor, comme d'habitude. En voltant du talon, en frappant du talon, la destinée, la rose au bois. En frappant du talon, en frappant du talon. Quand les garçons y viennent, toutes les filles y vont. Les filles y vont. Filles y vont. Moi, je me lave aux filles y vont. Filles y vont est un savon révolutionnaire pour la peau. Elle redresse les rides et nous amène vers une coloration de la peau adéquate pour les baisers. Enfin, baby bon, je vous dis que si vous le savonnez, vous verrez que tout est bon. Verrez bon, c'est maintenant bon. Alors, on y va dans la chanson. Quand la terre se démonte, tous mes démons remontent. Je me projette, je rembobine. Au loin des ombres se dessinent. Toute ma vie qui défile, toute ma vie sur un fil. Je me projette, je rembobine. C'est fou tout ce qu'on imagine. Et si on arrêtait le film? Décider mes vies. France, il faut faire du théâtre sérieux. Je veux dire, faut... enfin, c'est un peu un mélange de plein de choses, la France, parce qu'il y a aussi ce qui passe à la télé qui est vraiment encore autre chose. Et puis, il y a les grands auteurs-acteurs. Il y a le fait d'être une femme, c'est un peu plus difficile aussi. Et le clown, effectivement, il n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Alors que c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on pense. Et que c'est faire rire, c'est du grand art et c'est très sérieux. Très important aussi, je pense. Quand c'est fait d'une manière respectueuse pour l'autre, pour élever l'autre, et non pas pour s'en moquer, parce que c'est pas le but. Éventuellement, est-ce que tu verrais un bon cinéma? C'est possible. Projets, j'ai eu des idées déjà, mais ça m'est jamais... Oui, parce que c'est un personnage qui existe, donc il peut exister dans plein de formes. Hein. Bien sûr, oui. Es-tu fier de ton personnage? Fier, je sais pas, en tout cas. Content. Oui, c'est ça. Qu'on fasse le chemin ensemble. Quelquefois, je me dis, oh là là, ça fait 22 ans, mon Dieu, mais je vais continuer encore longtemps. Et quelquefois, je me dis, oui, tant mieux, quelle chance. Est-ce que suite à ça, il y a peut-être qui veulent s'implanter? Est-ce que des personnages à toi qui semblent vouloir s'implanter pour faire, pour non pas remplacer, mais pour avoir un autre profil que moi avais? Mais j'ai ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est quoi? Ok, attends, je vais te le dire plus simplement. Est-ce que tu aimerais faire un autre personnage, à part d'Emma, qui pourrait aussi faire une carrière à la mesure qu'elle l'a fait pendant 20 ans? Je sais pas. Peut-être. Quelque chose de beaucoup plus immobile, rigide et plus uniquement sur la langue et sur une espèce de dentelle de langue. Okay. Peut-être ça, mais il faudrait que j'ai des propositions parce que là, pour le moment... Toi, tu attends les propositions? Ah oui! Okay. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà assez d'inspiration pour travailler et maintenant, je veux bien des cadeaux. C'est vrai. Mais j'ai déjà beaucoup. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, une évidence comme ça. Pour le moment, les choses, elles viennent. C'est pas moi qui les fais. Hein. Elles viennent. Et moi, ne pourrais pas commencer à jouer sur les mots, non? À jouer sur les mots, c'est-à-dire? Ben, tu me dis que tu aimerais avoir un personnage qui soit plus droit, mais elle ne pourrait pas se modifier pour... Non, parce qu'elle est trop... OK. Elle a déjà un profil, elle a déjà... Oui. Puis c'est une fois que quand je suis en Emma, je suis en Emma. Voilà, il n'y a pas... Elle peut jouer beaucoup de choses très très différentes, bien sûr. La palette est large, mais faire complètement autre chose, il faut faire vraiment autre chose, quoi. Mais ce qui est bien quand je te vois au travail, c'est que il y a la fille qui est là devant moi, et quand tu mets ton nez, tu deviens un autre personnage. Et quand tu filmes ce que tu fais, quand tu passes ton rire, tu te surprends toi-même. Oui, absolument. Mais je me fais beaucoup rire. Oui. Je veux dire, quand je vois les spectacles, je me fais beaucoup rire. Les répétitions, c'est autre chose. Mais les spectacles, j'adore. Je trouve que c'est très bien. C'est oui, très, très c'est beau. C'est ça. Mais comment tu te sens quand tu te vois? Est-ce que tu te vois ou si tu vois une autre personne? Je vois une autre personne. Quand je vois les photos d'Emma, je dis, où est-ce que je suis là-dedans? Je ne me vois pas dedans du tout. Et je vois quelqu'un de très proche, mais une autre personne. Déjà là, sa jupe, c'est une jupe d'il y a plusieurs années. Oh, oui. Qui était à ta grand-mère. À ma tante. À ta tante, oui. Oui, la première chemise que j'ai portée, c'était à ma sœur. Les chaussures, c'était à moi quand j'avais 15-16 ans. Et ils sont brisés, sont troués. Ils étaient contents de voir l'évolution parce que ça représente bien le personnage qui évolue elle aussi. Oui, puis j'essaye plus de raccommoder rien. Moi, c'est fini, quoi. Mais c'est toi qui fais tes propres nez, c'est ça? Oui. Et il y a des moments où tu sens que le nez va pas bien avec. C'est un nez de répétition, c'est un nez de scène, c'est un nez de. En général, les tout neufs, je les prends pour répéter, pour les faire. Parce que les nez de scène, ce sont les bons nez de scène. Il y en a un qui est spécifique pour la caravane. Tu trouves que soit qu'il est trop rouge, soit qu'il est... Oui, c'est difficile. C'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est le nez, finalement. Parce que j'arrive pas à gérer du tout les couleurs. Il faut avoir du pif pour faire un nez. Ah, oui. Il faut avoir du pif et du temps aussi. Oui. C'est assez long. Ah, c'est long faire un nez? C'est un peu long, oui. C'est pas un nez de micro, là. C'est non. Pas, non. Là, c'est quelque chose de plus... Avec un moule, j'ai un moule spécial. Oui. Non, c'est du boulot. Enfin, c'est du boulot, disons que c'est du temps, quoi. Mais as-tu étudié là-dedans? On m'a montré, on m'a dit comment faire, donc je l'ai fait. OK. En art plastique, on t'a fait le positif. Le nez actuel et on te non, montre. Non, j'ai fait un positif de mon de ma gueule, voilà. Okay. J'ai fait un nez en argile, okay. Voilà, j'ai fait un moule d'argile, et voilà. Puis éventuellement, le nouveau spectacle des mois sur la mort, tu aimerais bien le passer un peu partout, en Suisse, en Belgique, au Québec? Ah, partout, bien sûr, mais même moi je suis allée en Nouvelle-Calédonie. Mais tu m'as dit tout mais à l'heure... Mais c'est que francophone. petit peu. Ou bien dans les centres culturels français à l'étranger. Okay. C'est là où je pourrais aller aussi. Mais les clowns, j'ai failli aller à Djibouti ou en Afrique de l'Est, mais j'ai entendu après que non, finalement, parce qu'un acteur seul sur scène, ça faisait pauvre. Ça représentait pas la France. C'est pas drôle. Mais crois-tu que dans certains pays, une femme clown ne serait pas acceptée? Ah ben, je sais pas, il faut tester. C'est peut-être un risque. Non. Je pense pas. C'est autre chose, c'est sûr qu'il faut adapter. Hein. Quand je suis allée jouer avec les Clowns sans frontières, je suis allée jouer en Afghanistan. Ah, c'est bien ça. J'ai mis, ouais, c'est super, c'est un travail génial. Et j'ai mis un pantalon sous ma jupe, quoi, pour aller jouer. Sais-tu qu'au Québec, il y a des clowns qui... Il y a un hôpital qui s'appelle pour les enfants. Et il y a beaucoup de clowns qui vont sur place pour divertir les enfants. Oui, pour les sortir un peu de leur... Dans l'hôpital... Sainte-Justine, ouais. À Montréal. Ben oui, mais ici, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Et toi, t'en fais pas? Non, j'en fais pas. Moi, je veux pas rentrer dans un hôpital. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans cet univers-là. Okay. Mais je suis très, très admirative de ceux qui le font. Hein. Okay. Maintenant, je suis pas capable. Moi, je vois une seringue, j'ai des gens qui viennent toutes molles. Ah, pas la peine. Ah, okay. Et puis, je trouve que c'est... J'aime beaucoup la scène, moi. C'est ça que j'aime. Ah, ouais. Ouais. Même si tu places ta roulotte à quelque part, les gens viennent, c'est ça qui t'intéresse. Mmh. C'est pas aussi une salle que tu loues ou que les gens on t'offre des fois des soirées, puis tu te présentes sur scène. Donc, c'est des gens qui iront te voir, mais il y a aussi des endroits où tu vas te préparer et tu vas jouer. Puis là, les gens se greffent tranquillement, puis là, tu te rends compte que hey, vous êtes quand même 150 autour de... 800, des fois, même. Ouais, 800, ah, oui. C'est arrivé, c'est un peu trop, c'est trop. Ouais, 800, parce que tu peux pas projeter, toi, t'as pas de micro. Si, j'ai un micro, bien sûr. OK. Non, 800, c'est trop, parce qu'il y a beaucoup de... Je peux pas prendre tout le monde en plein jour, quoi, c'était en rue, ça. Toi, c'est vraiment la communication entre les personnes. Un peu, quand même, donc c'est un peu difficile. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost, it was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, I'm never to love again. All my money gone in vain. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Ah, si j'étais reine des striptease, je me creuserais pas la matière grise. Je me mettrais nue comme un hareng et j'aurais beaucoup de talent. Ah, si j'étais reine du striptease, où j'aurais pas à faire ma valise. Il y a longtemps, pour payer mon mois, que j'aurais mon vieux riche à moi. Ah, si j'étais rue du striptease, je boirais pas de l'eau de cerise. Tous les jours, bah, ce serait du champagne que j'irais boire à la campagne. Pour regarder pousser la rhubarbe, ça me changerait des vieilles barbes qui poussent plus depuis longtemps et qui n'ont même pas de feuilles au printemps. Ah, si j'étais reine du striptease, je dois l'avouer, en toute franchise, je ferai peut-être pas de l'art, mais j'aurai beaucoup de dollars. Ah, si j'étais reine du striptease, je ferai la loi tout à ma guise. Et pas un spectacle à Paris ne marcherait sans qu'il y ait mon nombril. Ah, si j'étais reine du striptease, après un temps dans l'entreprise, j'épouserais un millionnaire, car c'est normal, ça va de pair. Et j'éleverais une famille, quelques garçons et puis des filles, courait aussi des petits-enfants. Alors je serai grand-maman. Et le soir, comme toutes les grands-mères, je leur dirai comment j'ai connu grand-père. Quand il était très pauvre à Paris et qu'il étudiait la nuit. Do, do, la vie comme ça, c'est plus beau. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. L'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau. Régine de l'émission. C'est tout simplement Errance Rénaldienne et son animateur. L'animateur. L'animateur. À quoi bon faire? Comment il s'appelle? L'animateur. Oh! Oh! C'est mystérieux. Tout est mystérieux là-dedans. On pourrait vous donner la recette. Quoique, on n'a pas de maudite scène. La recette. Tu sais, quand tu fais un spectacle, il y a des recettes. Oui. Trois quarts de livre d'espoir. J'ai moi l'espoir, c'est bon. Surtout à soir. Graziella a voulu faire son tour de champ. Elle a mesuré son tour de taille. Elle est tombée dans un tour infernal de malheur et de pleurs en disant « J'irai ici! » « Ben oui, tu manges la tarte à farlouche. » Pas faite avec des grains d'oiseaux, des graines d'oiseaux, ça là, là. C'est de la tarte à farlouche, farlouche, farlouche, farlouche. T'appelles ça? J'appelle ça farlouche. Ben ouais, mais répète. Allô? Oui? Allô, monsieur? Oui? Ouais, on vous a appelé. Es-tu au courant? Oui. OK. Oh, c'est ma douce conjointe Rita Bibelot qui vous a dit que vous alliez rentrer en onde à 1h15 du matin. Oui. OK. Vous êtes en forme, vous? Oui. Bon. Dormiez pas? Hey! Donc, quand je dors, là, exemple, tu me réveilles, toi, là. Penses-tu que je vais faire oui? Non, je vais dire, hey, hello? Tu sais, je me réveille, OK? Êtes-vous un comédien? Oui. Oh, professionnel? Oui. Alors, hey, Rita, t'as du budget? Êtes-vous bénévole, là? Oui. Ah, c'est bon, OK. Ah, elle fait des. Vous êtes son amant? Oui. Bon, hey, bonne, hein? Ma belle Rita, là, non, moi, je partage ça de l'amour, là. On est ouvert, là. Tu sais, dans le ciel, là, parce qu'on a fait faire notre carte amoureuse. Ouais, je sais qu'il y a la carte du ciel, là, mais au niveau de l'amour, on peut aussi évaluer tout ça. Ils m'ont dit union libre. Oui, je dis pourquoi pas, là. Parce que nous, on l'est pour elle, nous, on l'est pour moi. Puis pour moi, là. Tu vas venir, troisième fois. Pour ma part, je suis un gars des médias. T'es quoi? Un gars des médias. Un gars des quoi? Non, non, je... Regarde-moi l'autre qui crie. Non, j'ai pas dit que j'avais le clamédia. Je suis un gars des médias. Oh, médiatique. Médiatique. Donc, ça me dérange pas d'être vu de tout le monde, d'adorer de tout le monde. Quand je sors d'ici, là, crois-tu que je prends un taxi tranquille tout seul? Mais non! Les gens sont là, en avant de la porte. Serena, Serena, la chine des autographes pendant 3 heures. Il y a des, jeunes poulettes qui m'amènent leur recette de foie gras, là. Puis on se fouette le gras, puis on aime ça, là, hein, avec des, du petit pain baguette, de la baguette. Parce que pain baguette, c'est redondant, là. Va pas là-bas puis dire un pain baguette. Va dire, pardon, tu dois dire, madame, je vais vous prendre la baguette. Oh, mon Dieu, la police arrive, t'embarque. Alors, tu dois dire baguette. Ou ficelle. Ficelle, ça, c'est quand t'es solitaire, quand t'es nerveux, timide, comme un chanteur anonyme, face à ton destin improvisé, et tu te dis, ah, moi, j'aime bien Bernard Lemillier, le millier de dollars, mais je sais que mon existence ne sera pas comme le sien. Parce que qui dit imitation, dit limitation. Ça vient pas de moi, non, ça vient de MC. MC qui? MC Solar. Oh, et lui, il était, oui. Il est toujours dans le monde artistique, on ne peut pas dire musical, poétique, rappeur. Moi qui dérape depuis déjà quelques années. Excusez-moi, c'est chouri, parce que je suis un imbécile. Pardonnez-moi, ça va bien, vous? Oui. Bon, hey, on s'était presque endormi, hein? Oui. On sentait la petite flamèche, là, qui se recroquevillait. Qui était comme, tu sais, quand on est bien heureux, puis après ça, tranquillement, on descend. On flétrit. C'est l'automne. Les feuilles tombent. Les arbres ont plus d'aspect estival. Tu te dis, ouais, j'en mange des feuilles, là, c'est ça l'hiver. Puis là, la petite chanteuse qui sort des feuilles, elle dit, ah, que l'hiver tendra passer, hein? Oui. Oh, c'est l'image est belle. Pardon? Oh, non, restez des nôtres, madame, excitez-vous pas, là, non, rasez-vous le poil, puis excitez-vous pas, là. Faites du zénith. Ouais, j'avais parlé dans l'autre émission. Non, mais contemplez. Lorsque vous faites un acte, contemplez l'acte. C'est ça, être zen. J'ai dit, c'est ça, être zen. Zen. Vous, l'êtes-vous? Oui. Ah, ça, oui, on sent. Vous dites, bon, hey, monsieur. On a le goût de remonter vers le bas, là, puis de dire, bon, on y va. Oui. OK. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'atelier des expressions, ça c'est un nouveau concept. Oui, mais là, on appelle l'émotion, on appelle la création. C'est très simple, là. Restez des nôtres. Des nôtres. Entre nous. Nous sommes nous. Nous sommes nous. Où sommes-nous? Nous sommes là. OK. Parmi nous. OK. Allô? Allô, 10-4, Roger? Oh, Roger, je suis là. Êtes-vous là, monsieur? Bon. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire en tout cas le mien. Et monsieur, c'est bien dit ça. Le robot R2BB. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire en tout cas le mien. Des termes aussi incisifs qu'un slogan. Nous dépouillerons ce soir, cette nuit, un de ces fleurons devant vous, histoire d'errer. Alors, l'expression, le slogan, c'est « Il paraît ». Hey, il paraît que ta fille est enceinte, là? Oui. Il paraît que... Ça fait déjà 10 mois, là, qu'elle... Oui. Partie à Québec, elle, là? Oui. Il y a un animateur de radio qui... Oui. C'est la troisième femme qui... Oui. La police veut... Oui. Il est pas en état de... Oui. Il y a déjà un constat de... Oui. On va pas la... Oui. C'est la Guillot. Oui. Guillot. Orange! Oui. Ta fille, comment elle se sent là-dedans, là? Elle est heureuse? Oui. Non, mais c'est un gars extraordinaire, oui. Hein? Il est-tu doux avec les enfants? Oui. Il aime ça, lui. Il se met comme dans un univers enfantin. Oui. Il leur chante des chansons. Oui. Les enfants pleurent pour qu'il arrête. Oui. C'est unique, ça, hein? Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, toi. Oui. Oui? Oh, oui. Attends un peu. Attends. Gaétan de Brisebois. Oui. Ah, mais elle, c'est parce que c'est une femme extraordinaire, là. Hey, elle a rencontré Rénal Gagné en 1999. Ouais. En fait, il sortait de son émission Errance Fénaldienne. Hein? Ouais. C'était le samedi de 16 à... De 16, t'as peu. Non, t'as peu. C'est, attends, est-ce que tu peux attendre? Ouais. OK. C'est, hey, t'es docile, toi? Ouais. On sait pourquoi. Hein? Elle t'a rentré dedans. Ouais. Oui. Mais, ouais, c'est de 16 à 18. Non, de 18 à 22. Non, de 16 à 18, ça? Ouais. L'émission, c'était comme ça, hein? Errance Rénaldienne. Ouais. Puis, on dirait que tu te calmes un peu. Mais, juin, juillet, août, septembre. C'est en septembre que Rénal Gagné a fait un grand succès. Puis, les gens l'attendaient à l'extérieur. Là, à 2 heures du matin, tout le monde est... À cette époque-là, là... Dans ce temps-là, il y avait des gens qui chantaient tous les bancs. Dans ce temps-là. Et puis, lui, il se cachait pas, là. Il sortait les poumons en l'air. Les gens l'applaudissaient, ça criait. Hey, rentre chez vous, ratez ses coérelles. Puis il dit, mon émission est terminée. Son taxi devait sortir de son véhicule, frapper les auditrices qui voulaient lui toucher le succès. C'est ça. Et puis là, il y a 3-4 femmes qui disent hey, « c'est ton enfant ». Puis là, lui chantait sa chanson « c'est ton enfant, je te... » Tu te souviens de ça, hein? Les médias en ont parlé partout. De Québec jusqu'à Tombouctou. Puis là, les gens arrivaient avec aussi des oursons, des toutous, en disant « Tout n'est pas perdu. » Ah, mais non, tout n'est pas perdu, c'est certain. Allez, à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allons, allez, à chaque coup de sabre, prends l'écorce des canailles, à chaque coup de cloche, prends la crasse, le cri des... Bah, en salle, à Gavo, il y avait 800, c'était super, parce que c'est une salle fermée. Mais okay. En rue, c'est difficile, 800, c'est trop de monde. Est-ce que tu demandes, de, quand tu fais ta mise en scène, que ce soit éclairé en avant pour que tu puisses voir les personnes? Je préfère. Puis est-ce que les gens sont au courant qu'ils deviendront peut-être des acteurs de ton spectacle? Ceux qui viennent me voir depuis longtemps, oui, je pense qu'ils ont compris, là. Et puis tu as un public? Un petit peu. Est-ce que Emma a beaucoup d'avenir? Autant que l'humanité, peut-être. Pourquoi pas? Ça peut s'arrêter demain. Non, mais tant que la fille est là, pourquoi pas? Mais je pense qu'elle en a autant que moi, a priori, oui. Après, j'ai des projets avec Anne Sylvestre. On a un projet maintenant de faire un truc à deux, depuis hier soir. Hein? Tu l'as rencontré hier soir? Elle était là, on est partis ensemble. On était ensemble voir Fred. À Paris? Ok. À l'atelier, là. Ok, et puis? Et puis quand elle a vu... Est-ce que tu l'as rencontré après le spectacle? Oui, oui. Okay. Ah oui, Fred, oui, j'ai dit bonjour. Oui. Okay. Ça fait longtemps aussi, Fred, que j'avais vu, j'ai dû le voir, parce que j'ai joué à côté de chez lui. Ok, ouais. Sur le théâtre, où il y a un truc où il y a une roche. Dans oui, le... oui, oui, oui. Tu vois? Oui, oui, oui. C'est Lily Caxton. C'était celui-là? Mm-hmm. Ouais. Et donc, bref, avec Anne, on va en avoir un projet. Oui, oui. Oui, oui. Mais est-ce qu'elle avait le projet au début ou si c'est toi qui lui as mis? En fait, moi, je l'avais déjà un petit peu, ça fait longtemps que j'en avais parlé. Et puis, en fait, quand elle s'est retrouvée dans le théâtre de l'atelier, oui. Elle était en bas, moi j'étais en haut, je ne savais pas qu'elle était là hier soir. Et en fait, quand elle a vu le théâtre, elle a dit « Oh, j'aimerais bien faire quelque chose avec Emma ici ». Et juste là, j'arrive et je lui dis bonjour, parce que quand même, voilà. Donc, on en a reparlé hier soir et oui, je pense que ça intéressera pas mal de monde aussi. Alors, c'est en 2014? Ouais. Ok, ben oui. Il faut que tu termines ce spectacle-là. Sur bah oui, oui, oui, oui, le temps, malheureusement, on n'a que 7 jours par semaine. Hein. Et donc, elle veut faire des spectacles, des chansons uniquement pour le spectacle. C'est je ne sais pas ce qu'on va faire. Ah, okay. On va voir comment on se partage. Mais on a beaucoup de matière. Vous êtes lancé ça comme projet. Oui. Okay. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Anne Sylvestre, soit quelques années. Il y a beaucoup d'années derrière elle. Elle a des kilomètres de hauteur, oui. Ouais, mais ça va, ouais. C'est génial. Ben, j'ai rencontré Jean-Pierre Coff qui, lui, a 75 ans. Elle doit avoir à peu près ça aussi. Mmh, mmh. Ouais. Par là, ouais. Elle a beaucoup d'énergie. Ouais, sur scène, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable que cette femme-là soit pas aussi connue. Ça, c'est triste. C'est triste. C'est la France. Au Québec, beaucoup plus. Hein. Mais oui, oui. Mais ça, c'est quand on fait des choses intelligentes et subtiles et fines et qu'on a une femme, c'est plus c'est difficile. Les radios, hein. C'est les raisons. C'est les réseaux, mais elle a commencé, c'était très fort. Non, mais la radio ne veut pas diffuser ce genre de choses. Oui. À part France Inter. Certaines émissions spécifiques. Oui, c'est ça. Qui vont quitter, qui ont quitté aujourd'hui. Parce que c'est la dernière émission sous les étoiles, exactement. Ah oui? Avec le Vaillant. Non, puis aussi le midi, le samedi midi, là. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est vrai. C'est heureusement qu'il est là, hein, pour les chansons françaises, vrai. Autres que celles qu'on entend. Hein, oui. Les grandes... oui, oui. Je vous le chanterai, là. Oui, quelque chose, je vous le chanterai. Voilà, ça me revient voilà. Plus. Mais... Oui, ça ressemble à ça. Ouais, ouais. Ouais. Hey, mais on souhaite une chose, c'est de se voir au Québec, à Québec. Avec plaisir. Ben oui, avec ton spectacle sur la mort. Celui-là ou un autre. Moi, je viens, je traverse l'océan, facile. Amène ton tombeau. Oui. Mais je sais pas. Vous en avez là-bas aussi Québec, ouais. On meurt aussi là-bas Vous pauvre, en avez aussi Non. Les âmes restent. Ah, tout le monde reste. Félix Leclerc est sur son île. Il n'y a pas de problème, tout le monde est là. Mais non, mais c'est un questionnement planétaire. Hein. Mm-hmm. La vie, l'amour, la mort, c'est les trois. Les trois denrées essentielles à la vie. Et les bouddhistes, ils disent que la naissance est beaucoup plus difficile que la mort. J'aime bien ça. Oui, effectivement. Oui, c'est certain. Oui, le début est assez pénible. C'est tellement pénible qu'on pleure. Et si on ne pleure pas, le médecin va nous faire pleurer. Ça, c'est pour bien nous faire croire, bien nous faire savoir que ça va être pénible. Oui, mais à une certaine époque, on venait au monde avec une lumière trop forte, avec un environnement tout à fait épouvantable. Aujourd'hui, tu peux naître dans l'eau, dans un bain, donc c'est plus naturel. Et toi qui es très zen, tu adopterais sans doute cette façon-là pour mettre un enfant au monde. T'sais. Peut-être, oui, oui. Il faudrait juste que j'y pense très vite, mais... Oui, c'est pas grave. T'as déjà un enfant qui s'appelle Emma. Exactement. Voilà, les enfants, c'est... Elle est majeure, en plus, elle sait conduire, maintenant, ça va. Ça... Ah oui, c'est vrai, elle va te conduire, peut-être, à un moment donné. C'est elle qui va t'aider à bien vieillir. Je pense. Eh oui. Je pense. Eh oui. Sûrement, d'ailleurs, parce que le salut n'est que dans la création c'est et dans vrai. Le don à l'autre. Oh, mais j'ai une dernière phrase que... Alors. En plus, je ne voulais pas la poser à personne, mais je vais te la poser à toi. Y a-t-il une vie après la création? Allez dedans. Après, c'est pas la même couleur de vie, mais il y en a une. Okay. Mais elle est principalement dedans. Oh, avec le métier que je fais, en fait, c'est une manière d'être complètement hors du monde et complètement dans le monde en même temps. Je suis hors du monde parce que je ne vis pas ce que tout le monde vit. Je suis protégée de certaines choses. Et en même temps, je suis complètement dedans parce que je parle que de ça. Et je l'étudie. En faisant un spectacle, tu réfléchis longtemps à ton concept, à la façon dont tu vas le présenter. Donc, il y a une recherche presque universitaire du sujet. En fait, ce n'est pas tellement moi qui crée les spectacles. Ils se créent tout seuls. Okay. Je donne la matière. Non, mais c'est vraiment progressif, mais je donne la matière à Emma, voilà, je travaille, et puis tout à coup, il y a un moment donné, tiens, qu'est-ce que je vais mettre après ça? Oh, il y a ça qui va venir. Oh, et quand je mets ça après, c'est ce sens-là. Oh, bah finalement, c'est le sens que je voulais donner. Alors que si je me dis, tiens, je vais écrire ça, après il y aura ça, après il y aura ça, après il y aura ça, ça marche pas. Ça marche pas, le théâtre résiste. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Je peux pas écrire un spectacle sur le papier et le faire sur un plateau, ça marche pas. C'est comme ça. Je peux juste dire... J'ai peut-être une j'ai idée, un fil on rouge. Va voir si elle veut continuer. Ouais, j'ai un fil rouge. Ça pourrait être ça, mais... Ça se fait tout seul, quoi. Toi, tu as le fil rouge et elle a la boule au nez et vous essayez de vous rejoindre là-dedans. Voilà. Pour faire une petite étoile filante. Ouais. Et puis, trouves-tu que de plus en plus, puis on va peut-être arrêter là-dessus, est-ce que tu trouves de plus en plus, plus Emma évolue, plus c'est difficile de lui trouver des sujets ou elle te surprend encore aujourd'hui? Ah non, ça me surprend parce que là, le sujet sur la mort, je l'ai eu en 2004, l'idée. Finalement, j'en ai rien fait, je l'ai transformé en Dieu. La mort, c'est devenu le sujet Dieu, c'est devenu la science. Ah, puis t'as même changé le titre hein, aussi parce que Emma la mort. En fait, au début, ça s'appelait Emma mort. Emma, ouais. Emma mort. Et puis on m'a dit, c'est un peu dur, le mot mort, ouais. Les gens ils vont pas ça, aimer. Ça, c'est la personne qui t'a dit, tu frottes ça dans ma salle, c'est ça? Oui. OK. C'est la rencontre avec le... Le 6 à tourner. Ah! T'as provoqué. Y'a Dora! When I'm in the hood, I'm listening to Frenzy Radio, you heard? Frenzy Radio, 113 FM. C'est le son qui plastique les portes du pénitencier comme une rafale sur les transports. Les voix brûlantes du ghetto. Et t'es cramé, bouge ta tronche. Ce morceau t'est totalement dédié. Illegal Radio 113 FM. Affamé. Et t'es cramé, bouge ta tronche. Ce morceau t'est totalement dédié. C'est le son qui plastique les portes du pénitencier comme une rafale sur les transports. Rien que des têtes cramées et des places d'enculés. C'est indécent. les cris, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe pendue, en zoom en gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa Médis se dit Bissa, à ses seins tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Descendez, ça c'est défendu, matez chez les gens. Elle crie, mais bien entendu, y'a jamais d'argent. Elle crie, c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa Médis se dit Bissa, a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Donc j'ai dit d'accord, le mot mort ça gêne, bon d'accord, je comprends, le but c'est quand même de faire venir du monde, d'accord, alors je vais changer, alors j'ai réfléchi, et j'ai dit tiens ça va s'appeler Même pas peur qui a été utilisé par plein de monde et tout ça. Et j'aimais pas tellement ce titre, j'avais quelque chose qui me dérangeait, que je trouvais ça un peu pas très original, pas très moi quoi. Enfin je veux dire pas très personnel. Et puis j'ai joué dans un théâtre en Bretagne, 3 soirs, et le dimanche matin, je vais chercher mes gants que j'ai oubliés dans la loge. Et en fait, je vais pour descendre les gradins, que j'ai descendu ces gradins pendant 4 jours, mais le technicien a rangé les gradins, ce qui fait qu'il n'y a plus de gradins. Mais j'avais pas de lumière, ce qui fait que je me suis pété la figure sur 3 mètres, je suis tombée. 3 mètres. C'est quoi ? J'ai rien de cassé. Mais j'ai un petit peu mal au genou encore, ça fait 3 mois là, mais j'ai un petit peu mal au genou quand même, et j'ai rien. J'ai fait une IRM, j'ai rien. Je prends beaucoup de temps pour m'occuper de ça, mais sinon j'ai rien. Et en fait, donc j'ai eu cet accident, et la semaine qui a suivi cet accident, j'ai dit non. Moi, je veux qu'il y ait le mot mort dans le spectacle. C'est ça mon thème, je veux que ça y soit. Donc le titre maintenant, c'est « Et ma mort, virgule, même pas peur ». Voilà. Ah, alors, t'es resté avec ton titre, mais en rajoutant... J'ai en rajoutant, voilà. le truc qui fait que c'est un peu plus doux, quoi. Et en tout cas, avec ma chute, je me suis vraiment rendu compte qu'on peut, on peut disparaître en une seconde, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est, on n'y pense pas, mais on est vivant. Bah, mais tu traverses la rue, c'est fini. Hein. Oui, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais. Mais on, c'est vraiment loin dans, les, dans, dans le cerveau quand on, c'est pas un truc qui est là devant, quoi. Mais quand on se fait une chute comme ça, où on s'en sort, je sais pas comment. Là, on se dit waouh, on est fragile. C'est spécial. Et costaud, hein, en même temps, mais fragile aussi. Ouais, c'est spécial. Et c'est là que la réalité te frappe plus que ta chute. La réflexion te frappe beaucoup plus fort que ce que tu as. Ben oui, après la chute, j'ai pas tout analysé encore. Hein. Ouais. C'est quand même c'est pas rien. C'est bien si ça, te, si ça t'amène plus loin. Ah ben c'est le but, hein. Chaque événement de la vie, si on n'en fait rien, c'est vrai. Il faut s'en servir. Hein. Effectivement. Oh là là. C'est un plus. Ouais. C'est un plus, puis c'est, il faut l'emmagasiner, puis il faut pas l'oublier. Mmh. Parce que souvent les gens essaient d'oublier. Mais oui. Mais en fait, la vie, elle nous fait des cadeaux, elle nous dit, tiens, regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, t'as ça dans la gueule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça veut dire, je continue comme avant, je continue. Attends, regarde ça. Ouais. Et ça revient encore plus fort. Voilà, c'est ça. Que ça soit dans la relation avec l'autre, que ça soit des maladies qu'on peut avoir, des choses comme ça. Quoi. Et tant qu'on n'a pas compris, il faut aller dedans. C'est une recherche, hein, c'est un travail. Ça revient. Es-tu une fille qui craint la maladie, qui craint le, parce que oui, à un moment, les cancers sont brûlés? Non, je ne crains pas, disons, je fais tout, je fais, je sais pas, ça peut arriver n'importe quoi. Enfin voilà, j'en sais rien, j'y pense pas, c'est pas une obsession. La mort, ça commence à en être une. À force de travailler dessus. Ouais, très étonnamment, j'y pense beaucoup. Ouais. Mais d'une manière positive. Je sais pas, un peu angoissante quand même. Enfin, angoissante, disons qu'il y a quand même où je me rends compte qu'il va y avoir une fin, quoi. Ben, il y a une fin de tout, une fin de spectacle, une fin de rencontre. Oui, c'est gentil de me rassurer là-dessus, mais... Non, mais il y a plusieurs morts, il y a plusieurs morts dans la vie. Oui, il y a beaucoup de renaissance aussi. Après la mort, il y a une renaissance. Oui, mais le fait d'admettre que le corps va disparaître, qu'on ne va plus être là, ouais. C'est quelque chose qui n'est pas évident à conscientiser quand même. Que je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'y pense en tout cas. Maintenant, ça m'effleure beaucoup plus. Et je dis pas que ça me plaît, l'idée. Okay. C'est un travail pour ça. Mais je pense que vivre ou mourir sans regret, c'est quand même le but, quoi. Et je pense que mourir, c'est se préparer très tôt à ça. Sans être morbide, ça n'a rien à voir. C'est juste se préparer à en faire un moment important. Parce que moi, il y a un psychanalyste, Winnicott, un psychanalyste anglais, qui a dit « Dieu fasse que je sois encore vivant au moment de ma mort ». J'adore cette phrase, parce que c'est... Moi, si je peux être consciente du moment où je meurs, où je vois comment ça se passe, quoi, j'adore, enfin, c'est mon souhait, quoi, vraiment. Et tu aimerais aussi que les gens qui regardent ton spectacle, une fois qu'il sera terminé, sortent avec cette idée-là? Un peu. Quelque chose comme ça. En tout cas... Ils cheminent eux-mêmes dans leur travail sur la mort. Oui. Et que aussi... tu donnes une petite forme pour commencer à réfléchir sur ce thème-là. Oui. Ça, et aussi au fait qu'il faut aimer, il faut s'aimer, quoi. Non, c'est toujours ça que je dis, hein, dans mes spectacles. Sans le dire, mais c'est toujours ça qui est au fond, quoi. Et dans celui-là, autant, tout autant, parce que ce qui est important, c'est tous les gens qui ont fait une NDE, avec le tunnel, la fameuse rumeur du tunnel. Ils disent tous, quand ils sont revenus, qu'ils ont changé de vie, et il y a deux mots qui reviennent, c'est aimer et apprendre, toujours. On se le souhaite. Oui, il n'y a que ça d'important. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le reste, c'est juste du superficiel. Oui, c'est pour ne pas se mettre la face devant, devant la réalité. Une forme de réalité qui nous touchera de toute façon. Oui, mais même si on se le cache pendant 20 ans, un jour, ça arrivera, puis ça risque de faire plus mal. Mais oui. En général, les maladies arrivent parce qu'on n'est pas. Il faut qu'on se réveille, quoi. Peut-être. Puis il est sans doute trop tard quand ça arrive. Non, ça dépend comment on prend la chose. Ben écoute, on souhaite te voir Emma à Québec. Oui, avec plaisir. On souhaite de t'entendre aussi à travers Internet, à travers YouTube, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube. Tu as vu le teaser de la mort? Ben ouais. Ben j'ai vu surtout j'ai vu ton spectacle de voyante. Uh-huh. Et puis j'ai vu aussi Dolto. Puis j'ai vu le début de ton travail sur la mort, ouais. Puis écoute, ça promet. Oui, oui, oui, je suis très contente du thème. Et j'ai entendu aussi un documentaire sur France Culture sur ton travail. Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens? Je crois que oui. Il y a trois ans. Mais... Trois mois. Tu étais au début, tu as même été faire. Tu as été chercher des planches pour ton tombeau chez ton. Ah oui, non, ça c'était France Inter. France Inter, c'est ça. Oui, c'est oui, ça. Oui, ah, c'était très bien. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est là que je t'ai connu un peu plus. Et c'est après ça que j'ai voulu correspondre avec toi. Je suis allé sur ton site officiel, je suis allé sur Contact et c'est comme ça qu'on se retrouve. Et voilà, et on est là. Eh oui, au Café Brûlant. Ah oui, c'est ça, à Paris. À Paris. Puis on souhaite de se revoir peut-être au Petit Champlain. Ah ouais. C'est une place extraordinaire. Ah ouais, j'aime bien. Des murs en pierre, c'est. Ah ouais. Toi qui es très branché sur, le, sur la nature, sur, sur ce qui est vrai, c'est un beau théâtre. Alors, mais merci d'être passé à mon émission. Ben, merci. Et on se retrouve à Québec. Oui. Tourlou. Bye. For me, strength is moving, but my heart is.